在灵魂的绝对。 啊，je lui donnerai ça toute la journée, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Millimétré dans le GTD, j'arrose, tu veux boire. J'arrose, tu veux boire. J'ai pas perdu le tempo. Ça béton toute l'année, j'ai plus de doigts pour les compter. Compter. Je suis pas propriétaire du lambeau, je veux l'apporte à la nourrice pour stocker le papier. Le papier. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet. Midi, midi, midi, on voulait que briller. L'argent des cités, c'est fait lessiver. Oublie jamais tout ce qu'on a liquidé. Je sais pas si t'as idée, Dieu va nous guider. Dans les cités, on était les guidés. C'est vrai, d'autres séries télévisées. Toute l'île de France, tout est scénarisé. On distribue de la blanche, c'est pour rentabiliser. On distribue de la blanche, c'est pour rentabiliser. J'ai retenu la dette et la banaliser. J'ai vu les dossiers classés dans mon casier. CSI, BST, qu'ils aillent baiser leur mère. Tu me dis que t'es mon frère au parlant joyeux que ma mère. CSI, BST, qu'ils aillent baiser leur mère. Tu me dis que t'es mon frère au parlant joyeux que ma mère. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet, billet, billet, billet, billet. Billet, billet. J'suis dans le mal. J'ai vidé la bouteille. Bouteille. Bout en train. Terrain n'a pas sommeil. CD, on va tous y passer. Maës m'a dit cette année qu'on allait tout casser. Je lui dis que c'est carré comme un nord de la Corée. J'suis de moula tarpaname comme Mbappé. L'équipe et la DEP essayent de nous attraper. Mais la CSI nous avait déjà raté. Midi, midi, combien de kilos écoulés? Midi, midi, combien de frérots écroués? Billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet, billet.